Je vais dans son frère, je vais dans le ciné. Si on baisse pas, paye le dîner. Indépendante à la Guinée. Reggie Miller pour le tireur. Grenoble est laissé la base. Je te demande pas si ça va. Vous vous tapez des bides, on se tape des barres. Juste en claquant des hits, on a lâché les bastos. Je représente pas la France d'Alain Delon. Je suis défoncé même en buvant de l'eau. Né pour briller, mais je suis pas loin de l'ombre. Sur l'engin, y'a des restes de la bélo. Ah ouais, t'es chaud, mais pourtant t'es qui? Pourquoi tes potes changent autant d'équipe? Quand je fais du rap, je fais de la poésie. Quand je mens à quelqu'un, je fais de la politique. Peut-être que Jésus n'aime pas qu'on parle à sa place. Des euros pour des vues, j'étais pas contre à la base. Je rentre en cabinet, les souris dansent. Tu te marres, moi aussi, j'ai les sous qui rentrent. Je combats dans le ring, y'a les hooligans. Tu pensais pas que j'en avais sous les gants. Je suis un que mes galants, je les baisse poliment. Le jour où tu meurs, ça sera la bodega. Avec un caillou, moi, je te fais des monuments. La partie commence vraiment lors du money time. Avant de me parler, révise tes sentiments. Je suis tapé comme un bloc pendant la corrida. Maintenant qu'elle me connaît, elle veut absolument. Les pieds de mon cœur ont plutôt celle du bolide allemand. J'aime pas les filles qui mentent, et la météo sur Paname. Ça m'énerve comme un blanc qui dit voilà. Les filles qui arrivent estampent, y'a une couille dans le potage. Défoncé au-dessus du Kilimanjaro. J'avance, y'a personne dans les parages. Pas les couilles du camo, je veux la baraque. Pour avancer les faibles, on la calache. Les affiches de ton groupe, on les arrache. Offensif, pourtant si je fais pas dans l'humour, elles seront offensées. Changer de vie sur Paris, les portes étaient blindées, fallait du courage pour les enfoncer. Cabo bombé, frérot, t'as rien prouvé, c'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on est grand. Tranquille pour la frapper, t'as du bif. Par contre, pour la baiser, faut que tu bandes. Je suis un que mes galants, je les baisse poliment. Le jour où tu meurs, ce sera la bodega. Avec un caillou, moi je te fais des monuments. La partie commence vraiment lors du money time. Avant de parler, révise tes sentiments. Je suis sapé comme un bloc pendant la corrida. Maintenant qu'elle me connaît, elle veut absolument. Et puis mon cœur au bout de son.